Voici votre plus récent bulletin d'information de sport local et régional au microphone de Danny Veillon. On va ouvrir d'abord le bulletin de sport local et régional en parlant que ce matin, on a parlé avec Pierre-Luc Ménard du Club du Mille du secteur de Dolbeau. On sait qu'il y a deux filles du secteur qui ont très très bien fait lors de la Légion canadienne en remportant deux médailles. Et Pierre-Luc Ménard mentionne que c'était quand même très attendu. Était à la hauteur de ce qu'on s'attendait d'eux autres. On fait des belles performances. Caroline a quand même fait un gros record personnel de 14 secondes. Donc, elle a fait 7,24. Son meilleur temps, c'était 7,38 sur un 1500 mètres. Donc, c'est pas rien. Puis, Elisabeth, ben, malgré la chaleur et tout, là, elle a quand même fait un 1552 qui était proche de son record personnel. Donc, les filles ont vraiment bien performé. Puis, il y avait quand même de la bonne compétition là-bas. De la Colombie-Britannique, là, ce qui est pas mal les deux provinces avec nous, Québec, puis eux autres, la Colombie-Britannique. Là, fait que c'est ça, les meilleures marcheuses étaient là aussi. Puis les filles ont pu avoir de la compétition d'un pas pire calibre là-bas. Puis ça a fini serré quand même. Je veux dire, pour Elisabeth, quelques secondes la première, puis même chose pour Caroline. Donc, ils sont très contents. OK. Comment expliquer 14 secondes? Pierre-Luc Ménard mentionne que la compétition était quand même relevée au Manitoba. Ben, c'est sûr et certain que on s'organise pour être capable d'atteindre un sommet de forme au niveau des programmes d'entraînement, dans ces moments-là, les moments où ça compte. C'est-à-dire les moments où les compétitions sont les plus importantes. Pour cette année, c'était ça. Puis aussi, il faut s'attendre que pour ce qui est de Caroline, cette année, vu qu'elle était la meilleure au Québec dans sa catégorie, comme Elisabeth, il y avait moins de compétition. Sauf que là, quand on parle qu'il y a quelqu'un en avant, hein, qu'il y avait une fille de la Colombie-Britannique qui était en avant d'elle, ça veut dire aussi que cette personne-là va te tirer, là, va faire que tu vas plus vite. Fait que toutes les conditions étaient là pour que ça se fasse. Parlons maintenant de Jérôme Gravel de Chambord. On sait que les camps d'entraînement vont débuter bientôt dans la Ligue de hockey junior du Québec. Et Jérôme Gravel explique que on sait que c'est sa première année avec les Tigres de Victoriaville. Et il est très enthousiaste à faire partie des Tigres cette année. Selon l'athlète de Chambord, les Tigres auront une bonne formation. C'est certain que je suis excité l'envie de la prochaine saison. Là, à la Victoire, on va avoir une bonne équipe là, cette année, puis on aspire là, de faire un bon bout en série. Donc, tu sais, je veux vraiment faire partie de ça, puis c'est ça, là, c'est vraiment ce qui m'attend pour la prochaine saison. OK. Et ça a été bénéfique pour lui, la transaction avec les voitures de Monville l'an dernier. Il y a eu plus de glace, et cette année, ben, avec les Tigres, il s'attend quand même à bien performer. Ben, jusqu'à maintenant, là, dans le fond, la première chance, quand j'ai passé à Drummondville, là, ça a certainement été une bonne chose pour moi. À Bathurst, on avait une équipe, il y avait beaucoup de joueurs matures, puis l'équipe avait besoin de gagner là, vraiment dans le moment. Donc, tu sais, les jeunes, moi, je faisais partie des plus jeunes joueurs de l'équipe, donc j'avais un temps de jeu assez limité. Quand je suis arrivé là, à Drummondville, j'ai eu beaucoup de temps de glace, ça m'a vraiment permis de me développer. Puis là, ben, maintenant, de passer à Victoriaville dans une équipe que une équipe qui arrive à maturité, une équipe où justement on a des bonnes chances de gagner cette année. Là, ça va aussi être une autre super expérience. Ligue de Ballante de Robertval, on sait qu'on est à la fin de la saison. D'abord, à noter que l'Intersport a défait le Saint-Hubert Express 12-11. Le Zodiac a défait le Mégavac 22-20. Et Garma a gagné 19-9 sur l'Intersport. Maintenant, on va parler de soccer. Il y avait des matchs dans les différentes ligues de soccer. D'abord, en Senior Division 2, Saint-Gédéon a vaincu le FC du Lac, oui, 3-1. Et dans le U12, masculin Verdignul de 1-1 entre Robertval et le Mistral de Jonquière. Et en terminant, ben, on va parler que l'inscription du hockey mineur de Dolbeau-Mistassini aura lieu jeudi et vendredi à l'aréna du secteur de Dolbeau. J'invite à écouter la section entrevue de danradiosport.com. Hier, on a parlé avec Jérôme Gravel, des Tigres de Victoriaville qui est natif de Chambord également. Germain Veilleux, qui est âgé de 77 ans, qui pratique le sport de la dynamophilie, vient nous parler de qu'est-ce qui le motive à pratiquer ce sport. Le sport local et régional, à danradiosport.com. On s'en occupe.